Bonjour, c'est Antoine sur Radio Seineur. J'ai pas l'heure dans le studio. Fiche aujourd'hui, donc c'est nouveau pour moi. Dans un instant, à 10h15, ce sera l'heure de retrouver Virginie avec son horoscope. À 10h30, ce sera l'heure de retrouver Joëlicia avec sa chronique initiative et son interview d'un homme qui gère une chaîne YouTube. On découvrira laquelle dans un instant. À 10h45, on retrouvera avant midi, on fera des points réguliers sur vos réactions sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas, sur Facebook, vous nous retrouvez avec le @ZoradioSeineur. Sur Twitter, vous réagissez avec moi avec le @AntoineRadio. Et sur Snapchat, vous n'hésitez pas à interagir. C'est sur le @TheRadio27. On passe sans plus attendre aux éphémérides. Ça se passe chez vous? Avec vous jusqu'à midi. Et oui, c'est l'heure des éphémérides. Alors aujourd'hui, vendredi 15 juin 2018, on fête les Germaines ainsi que l'été avec Michel Larocque qui fête ses 58 ans aujourd'hui. On fête également les 69 ans du très connu journaliste Jean-Jacques Bourdin, 69 ans aujourd'hui, donc bon anniversaire à lui. Et enfin, on fête également les 84 ans de Guy Bedos, donc bon anniversaire à lui. Ça aurait été également l'anniversaire de Johnny Hallyday qui aurait fêté ses 75 ans aujourd'hui. Il est mort à 74 ans l'année dernière, en 2017, donc bon anniversaire. Enfin, bah non, pas bon anniversaire du coup vu qu'il est décédé, mais voilà. 15 juin, c'est également la journée mondiale de lutte contre les maltraitances aux personnes âgées. Donc si vous aussi vous maltraitez des personnes âgées, bah ne le faites pas, arrêtez, c'est pas bien. Voilà, c'est tout pour les éphémérides de ce vendredi 15 juin. C'était un peu difficile ce matin. On va continuer sans plus attendre en musique avec le son de Boulevard des Arts qui arrive, Big Flo Oli, mais juste avant on va continuer en musique avec le son de Adriano. C'est une nouveauté sur The Radio Seineur. Je viens de l'entrer en playlist. Adriano, allez. Quel est ce mal qui te ronge ? Laisse-moi penser.

Il les invite à partager le repas. Mon père c'est le meilleur mais ça se compare pas. Il hérite la jeunesse l'a quitté. Comme tous les pères il a l'air déprimé. Pensif dans le salon je le vois à chaque fois. Je crois qu'il regrette l'époque où il était papa. Mon père c'est mon boss, mon roi, mon héros. Moi je suis son gosse, son minot, son héros. Quoi? Il tourne tous mes problèmes en dérision. Je suis une des raisons pour laquelle il peut finir en prison. Quoi qu'il arrive, il accomplit sa mission. La berceuse du soir et les bisous qui piquent devant la télévision. Le sport devient une religion. La sueur des joueurs de foot devient de l'eau bénite. Si ton père n'est pas là, tu sais, ne sois pas triste. Tu évites les engueulades pour le bouchon du dentifrice. Et j'appréhende déjà le jour des grands adieux. Y'a pas de bon père, y'a que des hommes qui font de leur mieux. Celle-là c'est pour nos pères, nos padres. Ceux qui disent je t'aime sans même parler. Pour ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait. Celle-là c'est pour nos pères, nos padres. Ceux qui disent je t'aime sans même parler. Pour ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait. Ya sé que soy viejo, nunca te olvidaré. Cuando miro al espejo, son mis hijos que veo. Me acuerdo del mío, y cuando se fue, aprendí que en la vida no vale más que papá. Juste après le son de Big Flo et Oli avec le son en hommage à leur papa. Ça s'appelle Papa du coup. Ça se passe chez vous? Du lundi au vendredi, 10h midi sur The Radio Seineur. Et c'est l'heure de retrouver l'horoscope de Virginie. Bonjour Virginie. Bélier, soyez plus attentif à son égard, sinon il va se poser des questions et il aura raison d'ailleurs. Taureau, votre travail quotidien vous apporte de réelles satisfactions, rien de tel pour vous motiver. Gémeaux, vous vous donnez de nouveaux objectifs à atteindre, vous entraînez vos collaborateurs dans votre sillage. Cancer, il existe une bonne cohésion au sein de votre équipe de travail, ce qui vous permet d'avancer à pas de géant et même de prendre de l'avance. Lion, vous bénéficiez d'une vitalité tip-top, vous foncez tête baissée dans l'action. Vierge, vous travaillez d'arrache-pied du soir au matin et du matin au soir. Balance, Vénus vous prodigue ses bonnes influences. Avis aux célibataires, ouvrez l'œil et le bon. Scorpion, le climat de vos amours est paradisiaque. Vous sirotez un cocktail en tendre compagnie sous les cocotiers de vos rêves. Sagittaire, vous vous laissez bercer par le doux clapotis des vagues romantiques et sentimentales. Vous n'en demandez pas plus pour être heureux. Capricorne, si vous voulez démarrer de nouvelles activités, suivez votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure qui saura vous guider. Verseau, entourez-vous de personnes compétentes et de bons conseils. Poisson, mettez en place une stratégie d'action détaillée et méthodique. Vous aurez ainsi toutes les cartes en main pour réussir. Merci Virginie, on te retrouve demain à la même heure avec un nouvel horoscope. Non, pas demain, lundi du coup, vu que demain c'est le week-end. 10h16 sur The Radio Seineur, ça se passe chez vous, on est ensemble jusqu'à midi pour la dernière de la semaine, après c'est le week-end. On continue en midi avec le son de Bob Sinclair, I Believe, le tout nouveau Bob Sinclair, j'adore. This world has brought you down to your knees. You're not alone, everybody needs to believe in something.